Monsieur Mazi Jules, né en 1911 à Hénef, résidant au Vauborset, garde champêtre et précédemment ouvrier au chemin de fer et chez Coquerel. Témoignage également de son épouse, Joiret Marie, née à Vaux en 1913, journalière. Ce témoignage a été recueilli par messieurs de Chêne et Mikils en 1979. Les Allemands, vous les avez vus ou Charles? Oh ouais, non, nous avons vu, oh ouais, mais net au même bras, mais parce qu'ils l'ont passé, enfin. Ils l'ont passé, ils n'ont vu tes de ceux qui rimnient, qui jouent. Mais Charles à Boursé, ils n'avaient vu des Allemands, parce que quand on est Charles, non, on est né. Même après qu'ils l'ont repassé, même des Anglais, ni des Américains, nous n'avons pas eu nous casse de cantonnés et vers Charles. Il est signé cantonné, mais si tu avais. Donc on l'a repassé, alors on a vu. Et les Allemands, tu peux devant qu'une coragine est vous, là. Il a vu Charles et vers Charles. Mais non, on en est fouillé. Incommodé à vous, elle. Mais vous, vous les avez vus plus près, les Allemands. L'Autriche. Et qu'avait oui, ça, en Autriche. En 40, un vieux diolet, d'Artevède, c'est de mon vieille, comme Charles, comme Borsé. Dès qu'en me nouvelle, et en me nouvelle, il restait de 20 veilles, de 20 nouvelles en construction. Nouvelles comme Ougré-Marhaï, Coquerel, et ça aussi. Métallurgie, mais nous sommes en construction, qu'on faisait. Qu'on avait 9 km de long, 3 km de large, à Linz. C'était le nom d'Alvège. Et puis nous avons été le typhus. Non, mais on a été le typhus et quand c'était une catastrophe, les hommes, les Français et Belges, et les Wallons plutôt, parce qu'il n'y avait plus de Wallons, et puis les Flamands n'avaient plus. Flamands, c'est avec nous. Tirim nous à Carotien. Et puis après le typhus, quand le typhus a été fini, alors reste de valet de Vauviet. Et quand on dit culture, il y a moins qu'à faire la guerre, il fait pas de succès. Or, prédit, le ultime qui fait un homme d'épus, là, il n'a vu corps, là, il n'a vu nous que l'homme est immobilisé, or, prédit, le. Dans le Médou, parce qu'il n'avait trop, parce qu'il n'avait pas. Et j'ai mouru jusqu'à 45, et bien vieille, alors. Est-ce que vous avez y fait là-bas? Au départ, oui. Ah ouais? Qu'on a tout fait là. Et même à louer nos constructions, là. Pas d'or. Les soupes n'en est plus de 26, il y a ce qu'on voit, non? Si on restait même de 26 ans pour plus mal, mais tout le monde est humide des jours. Ou est-ce que tu es venu pas en cuivre? Ou tu es venu pas en maillet? Mais surtout, où est-ce qu'il y a ce que tu veux dire? Le CSI est une côte, nous autres. Et nous avons fait travailler, c'est maillet, on m'a dit comme ça. On a vu un maillet comme ça. T'as la terre, que tu peux plus dormir, ça là. Mais la question d'avoir fait. Est-ce qu'il y a vraiment de Valsens? Oh, ben, il y en a eu un ou deux. Oh. Ou bien, c'est surtout des serres d'État. Que des serres de 400-500 hectares. Là, il y en a eu de 9-10, mais toi, il y en a eu des années vues, mais c'est serres-là. Et devant l'usine de construction, il fallait ouvrir à vous les civils. Non, mais surtout de Charles Naveu, 40, ce n'est pas ce qu'on dit, mais il y a surtout des baraquements pour les Italiens. Des baraquements pour les élogies et des baraquements pour faire des douches et des lavoirs, pour laver le lait. Et on a fait des sabotés de la. Incroyable! Ah oui? Oh! Quoi, par exemple? Quoi? Il avait une bétonneuse pour taper 10 berlins de gravier de verre de ses mains. Il avait occupé les ses mains à l'albert, parce que l'arrivée qu'il bétonnait frotté toutes les journées, vous dit c'est de ses mains. Il frotté toutes les journées, mais on m'a dit de gravier à vous de l'air. Et puis on l'a ramené vers les fondations, que c'était des coffrets. Ça fait quoi, c'est qu'on a rebouillé les coffrets de ce type. C'est tout au gravier sous, écoute. C'est un orchestre de ses mains. Devait on avait que les douches, on avait des fondations. Les Italiens avaient fait des pilastres. Et puis on avait des tuyaux de grès comme ça, pour mener des ailes de douche et de laver et vous. C'est des chocs. Si hauteur chale, et on mettait des rails de Couville d'un mur à l'autre, et on passait, il faut des wagons basculants, comme une nachale de Vélezouhen, et on amenait de terre pour stopper les sources, les chopes, les fondations. Mais nous l'avons fait plusieurs coups. L'itume le wagon advent de Vélezouhen, de Sprachi, remenait à Galov deux, trois wagons pour se raccouvrir. Comme n'est qu'il surveillait, qui surveillait tout le chantier, on faisait cela pour veiller à 3-4-5 mètres. On a couvert les tuyaux sprachi, ça fait qu'on a remis tout. Les douches et les sous, les lavoirs au service, on a tout le Et les tuyaux et les sous, les petits pilastres sprachi, pour dire ceci. C'était de saboter pour... Moi, j'étais plus uni de l'arrivée à cela. Non, però on en est attrapé. Qu'on en ait vu, tout à fait permis tout. Et non. Et alors, c'est une libération, c'est une... Ah, mais non, c'est fini. L'Italie était déjà libérée d'eux, je devais une capitulation de l'Allemagne. Et nous aurions nous. Quando poi mai di scare e più aree mi vino a toccare dall'armo che mi serve il bureau per se lo divenne un regime a lui così mi capì che ti mi ti do apri e mi marchi Vienne, Parigi, Bruxelles che le stima mi conosco arrivare e non sto per parlare le frasi allora non morì bene sei sì io per me non credo di voi salde di marcia che era arrivare io non avevo giù di voi e era arrivare di me l'arrivo il lundi e voi offrivo il dimen d'aprile e sei di solito l'arrivo il dimen di sempre e là lo sto di voi da viaggio. Ho già ste barche di avvio, ho già direttamente a... Ma non vi dico che non vi venivo in avvio, lui? Non è che non vi venivo in avvio, ma non vi venivo in avvio. E la dico se vi sta uso? No. Se il andalevo di Francia, lui, avevo un camion come non avevo i soldi, avevo bacito. Ma c'è un legno pareva. E la venuto a Francia, lui, la potevo dire, allora, penso che non ne ho, non dirò mai una volta. Tutto il resto sono che morivo. Belge e francese. E lui l'ha detto di due frasi e scaldeva i camion baci. E lo disse di solito. Di la si fuga apre. E era l'ostio di voce da via, come Silvia, e sta, l'ostio di solito. Sto dicendo, da contorni le vei, perché ho detto tutto il merdì, sono trovato solo io voi, e ti fanno lui, o sei da prendere di caro. Ma se non si è risolvuto, e là non si è più che non c'è da viaggio, o c'è da viaggio, o terra che serve di c'è da viaggio. E poi le dimostra, mi tu vieni a viaggio, erano barchiesi, la fai meno ruota vulgare. O la crevevi, di rico dal membro. Se tu vi ballare, che l'ersore ti, insomma, apro, tu di dal membro, crevevi di me, te, cioè. Non si vede tutto che c'è il coperto. E le carri sono pleine. C'è due civili che probabilmente volontari che stiva, che ho curato il numero di loro. E i tre vogliono vedere gare e Mercedes. Sa fare il modo per uno. Da quello, fare il fare. citer struter av där av i brev kors med att det då hade ju pisre med det då går jag här kan nej. Här är det kanske går det i fallet då var det ju flor och låg ju det där grej och låg det pior attackera de mamma där på då sex i ju så där. Kora ty ve frozi od no a tre po turnéru. Tá vesu isko isteki na rodam. Iska katuazão, mãe. Sim, a que a vive. Já se trará iel sens. Chalavu. Chalavu a borsi. A mo marchão di ensi. Di papá, di papá no chão. Di papá. Oi, mãe, já trará iel a vusi chalo, senão ele é da borre mi hoje. Ok. Tu avais 14 ans aussi. J'avais 14 ans, oui. Et qui fallait fêter. Ah, Jack Messi, pas ça. J'ai deviné faire un fouet au vrai qui J'ai vu ça le marché dans Ah ouais. C'est une année, pourquoi? J'avais trop de bottes. Et puis, elle hostie, et puis de où? Il fait chou. Il fait chou travailler. Se vuoi, dove avevo solo? Per c'è tappato la macchina. E ho battuto la macchina. Se sto al macchina, ti devi ne ancora le vele già, perché gli sto tutto di scuola sto momento. E no, perché ho avuto vacanze. Ho avuto vacanze a 30 di Juliet. De Stello. Ui. E non vacanze di 15 di già, ma non so, se sto a 30 di Juliet. Donc, le primi d'eau, j'arrive al macchina a Wich. E poi già sto ramassato a crompir. Poi già un po' di morire perché io sto giovane, non le pietrozze, non le fai le pietrozze, sto ne là. Ne come me l'ho ne d'apri, se sto mi sur chi all'ev. Ma ella sta un enfant, se mi racconta che ha continuato. Se tu mi chiesti tutto il tempo allora. Se sta a dire sia, se sto ne là. Se sto ne là, sia già stata che avrei, ma un 20 giugno. En 27. En 27, il y a cet attaqué, parce que Denis a même une mort sur 28. Et vous êtes lui seul? Oh, non, non, non, nous estime. Aïe, aïe, aïe, nous estime tout bien, nous estime nos 5 ans et tout le temps. 5 servantes? 5 fait mal à l'eau, à l'ouvrage, oui. Ah oui. Oui, non, nous estime nos 5. E le figlie non hanno più di vivere con voi. Ma non più che vi conviene, se si croina più. Sì. O che roina ni? Beh, sì, io, non può Madeleine, c'è almeno che ne ha una moglie. La mia roina, no, fin lì, sì. Ça se on a roi jusqu'à 39, et puis ça se déflamme comme nous roi. Et nous autres, nous avons semé, et cherché, et puis tapé les sims. Questo è un attacco di le colle e le feuille. Le foglie, le semi, o di le semi. O di le semi. Le foglie che on coupe dal pietrot. E poi on le tapeva una volta. Poi fai voi, perché le vanno passare in dentro, vengono il cior, per cercare le pietrot. Comprende? Se stai in caso, après la housse. Ah, ma d'octobre. Oh, beh, ma d'octobre, ça, oui. Parce que. Devant les, après la houe, on s'allait, on a vu qu'on a le trèfle, et puis c'est sur les crampires qu'on ramassait, et puis il fallait fréquérer. Le trèfle, oui. On mettait les petites, les petites foudées grosses, les molles et tout ça, non? Et puis on s'allait à Pétrot, et puis c'est sur être les coups, on s'allait à la machine, qu'on battait vers la machine, parce qu'il y avait des vents à ce temps-là. Ça fait, il fallait de la haine et... Oui, mais attention, qu'ils nous arrêtent. Devant les crampires, il y a vu la housse d'avant, frumain. Oh, mais ben, quand j'ai causé de la housse, ça continue. On est pas déjà crampir, mais... Oh, mais quand j'ai causé de la housse... Fini le week, on attaque la housse, proprement dit. Oh, mais non, déjà, oui, ça, c'est sûr. Il fallait filer vous. Vous n'avez pas de copine, enfin, elle raconte, comme on dit. Ah, ouais. Hein? Et puis il fallait vlouir les gars, zéro les vies, et puis on attaquait la coupe à vous. Mais on gifle les vouilles pour les. Pour le marché, non, enfin. Alors. Pour le passé. Parce que, Dinamoy, on n'a jamais coupé toute une terre de. toute une terre de fromage, par exemple, Alfort. Mais on siffle les vouilles, on fait les vouilles pour passer le marché de lieuse, quoi. Ah, ouais. C'est studio mécanisé. C'est studio, oui. Ah oui, on a 50 ans, 51 ans. Donc, il y avait les vignes là, et puis il y a eu après. Non, parce qu'il n'a plus travaillé. La première terre qu'on avait coupée, et puis c'était 14 ans avant. Il n'a plus travaillé qu'on a studié les maçonneuses batteuses, par exemple. Non, je n'y arrive plus, alors, parce que quand j'ai studié les enfants, je n'y ai plus studié. Et non, j'ai travaillé jusqu'à 46 ans. Hein. Ouais. Et non, j'ai mouru à Todi M. Mohon, qui a eu une nouvelle mort. Il est juste l'Allemagne, mais j'ai mouru à Vumsour. Et c'est une grande chose, ça, mon cher Guy. Et c'est une grande chose, oui. Il n'y avait que des lecteurs, ça venait. Ah, mais c'est ce que tu peux faire, enfin. C'est ce que tu peux faire. On fait sur la voie. Ah, mais opté, non. Opté quoi? Thierry. D'abord, qui travaillait au Nari pour retourner au Thierry, on mettait le micro. Il faisait vedrouille, on mettait le micro au pire, et puis elle passait. Elle recouvrait. Et puis elle trouvait une autre, et on replantait. Là, c'est un mois. Ah, mais c'est pas ça, c'est ce Mais on ne mettait pas bras à ce temps-là. Oui. On mettait bras des crampiers à ce temps-là. C'est rien comme aujourd'hui. Les saints-ci ne mettaient plus. Avant marchandis, ils ne mettaient sûr plus avoir des crampiers à ce temps-là. Pas opté pour le volant. Oui, deux trucs, oui. Mais à ce temps-là, ils ne mettaient. Voilà, ils fuyaient. Ils n'avaient plus de nectar, bis au vin. Mais là, c'est du roi à la machine alors. C'est juste une machine qui les fait, qui les tarifs, là, il fallait les ramasser, enfin. On se mettait là, on avait une coupe châle, et puis une coupe là, et on ramassait, et ils tournaient vos tout. Vous quoi, ils tournaient vos tout? À vous le marché. À vous êtes pas à vous le marché. C'est de Sion, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Peut-être 10 autres, oui. Soltè che eravamo senza giallo le froi loro e ritrovirsi le croppie nei roi. Ah, mais c'est de lui. Il me suffit comme il peut mettre en dehors. Ça fait, on trivia, si pas plus les crampiers, on repasse tout de suite. Qu'est-ce qu'on faisait avec les petites crampiers? Les toutes petites. Ah, mais c'est pour les pourcelles, les petites. Pour les pourcelles, hein. Ah, oui. Est-ce qu'il n'avait pas mal de mal? Mais ça dépend l'année, ça. Dépend. Ça dépend l'année, quand c'est des années de plaire. Mais on a vu un ton de mal à ce temps-là. Qui n'a aujourd'hui? Il a vu un attendu. On a tout de la main, tout de la main. Et puis, dans ce temps-là, on a vu des nouvelles plantes comme aujourd'hui. C'est des foyers de spouliguer qu'il a tout de fallu des nouvelles plantes. De spouliguer après la guerre. On a vu tout déjà un peu devant la guerre, mais d'attendre la guerre, on n'a jamais eu de nouvelles crampires pour planter. C'est ce que tu as planté, tu as dit, c'est vie. Oui, on fait du gros plant. On a fait du gros plant. Le un grand pire qui avait trois ou trois quatre ouilles par exemple. Pas de thé. Un qui avait une ouille, le matin, recueillir ce grand pire là, un qui avait des trois quatre ouilles, de l'homme une ouille. Ça fait quelque chose de thé, qui va de thé, quoi. Et puis dans le plan, tout ça, là. Qui n'avait pas mal de sort des pommes de terre, le grand pire. Oui, on trifle des rochechias. Il y avait déjà des climax, on causait déjà des climax. Et puis l'industrie, c'est des crampiers qu'on cause pour tout ça, oui, non. Et des plates, il y avait déjà. Il y avait des marjolaines, qui c'est ce qu'on a dit, les crampiers. Les coins des gâtes, comme il y a d'accord aujourd'hui. Et vous êtes à qui à Kendur, à Arsès? Ah, Ja, sigurer om at det er lustig. De skal sigurer alt nyt. Nej. De på Fikui, du er Alsace. Kanskje du bor i Alsace. Oui, Alsace, c'est studier que vous y avez du temps, qui pose aller à la machine. Ou B, c'est studier devant là-haut, que vous allez faire à l'oeil, pour louer les jobs, pour faire les vouilles, donc. Mais alors, au sens... Au fil de nuit, quoi. Oui, on peut dire... On s'est studié au destin de Wassin, qu'on faisait ça. Ouais. Qu'on faisait le loyer, non? Et on a vu battu les Wassins à Floyer. Et puis, on voyait les strains, parce que les petits fous, pour nous avoir dit que les, ben, grands, les plus grands fils, tout là. Et puis, on faisait... Et, on faisait, et puis, on faisait des fois, des 50. Qui ont loué fait. Oui, on a vu des milliers de loyers. On a passé des jours qui étaient. Par exemple, Charles Limas a ploté en pétrole. Oui, sur la. La ligne vous dépose à ramasser des petites épires. Des pires comme ça, là, on a ramassé. Tandis que vous n'avez pas des pires comme ça, on n'est pas prêt. Mais des petites épires comme ça, on a ramassé. Quand les pétrole est-il planté, nous allons ramasser au pire. On a vu une bosse et un petit bouet pour les distérer là, non? On ramasse ce qui est juste en copette, quoi. Et puis, oui, c'est sûr. Quoi, si vous allez par là, là on allait constituer un jardin, alors. Constituer un jardin, devant les grains. Peut-être casteur, non? Devant que c'est rien. Quand les grains sont comme ça, on allait constituer un jardin. C'est pas ça que Dieu dit, c'est-à-dire où il trouve. Oui, mais Il a déjà des thèses, mais je dis la rouvie. Il rouvie des affaires. Il dit, en dernière fois, il dit, tu sais, mais... Les carrés, je l'ai fait le prix. Ah oui? On voulait rester à Giardin. Oh, mais... Ne vint pas le prix, mais... On le faisait de vers certains prix. On l'a déjà fait, enfin. On l'a déjà fait, oui. Fait quoi? Resli. Resli devant le prix. Pour le rayon pour le mal, les jeunes, les pires. Ou bien, quand c'est un prix qui n'a vu tant comme si tu chales les prix, chales les poudries, qui doit qu'il y ait tant à on reste libre parce qu'il a vu des arbres, tout, pour avoir les fouilles, enfin. Mais autre part, on allait venir faire ça, hein. Et alors, puis, on allait s'étirer les chertons, et s'étirer. Et puis, on allait voir au four. C'est quoi ça? On allait mettre à place. On mettait à place les pétrates. Les fours. Comme si vous diriez à saison Charles. À saison Charles, elle est une fête avec les stains là. On ne mettait pas à place les mudjains. Oui, oui, déjà. Les pétrates est une fête. Mais quand c'est un moment de les repasser. Les timétines, c'est pire. Oui, on fait plutôt ça. Mais on repassait les pétrates. Et on allait tout un peu à matin pour aller aux pétrates. 4 heures à matin, on est sur 20 heures, le marquis là, non? On est sur 27 heures pour passer à pied. Et à 9 heures, quand on a vu déjeuner, on allait au four jusqu'à 4, 5, 6 heures. Puis on revenait à terre et on travaillait jusqu'à 9 heures en deux, jusqu'à ton conveil. On a vu une belle vie, non? Et malgré ça, ça te bannait faire des tours. Pour le croire, enfin. Jusqu'à 9 heures en deux. Oh, et qu'au plus, la fille qui n'a. Qu'à ton conveil, enfin. Ouais. On va combien de mois, celui-là? Oh, ben, c'est une des mois, c'est une... C'est une... Oh, c'est une... Deux, trois semaines, ça, trois semaines, non? Non, des mois, néné. Non. Et après, celui-là? Mais après les pays, trois, qui faisaient tout, tout, après les pays. Ben, on s'allait... C'est au chérif, les fours alors, parce qu'il fallait le travailler devant, devant. Et on mettait, on faisait des gros repas, et puis on chérif. Et puis c'est sur le premier jet de trèfle. On faisait des ballons comme vous. Et non, on faisait des ballons comme aujourd'hui, on faisait. Et non, on allait monter à le trèfle. On avait, on restait, et on faisait des petits repas là, et non. Et puis, quand c'est que tu fais, quand est-ce que tu as monté? On a perdu des trucs et on faisait des copales. On avait deux trucs fistous et on louait Valchès. Et puis, quand c'est pour le tirer, alors, on avait des loyers qu'on allait faire et qu'on allait à vous qu'on faisait. Et on louait pour le tirer. Et les femmes de Herdine, les hommes de Herdine à la campagne. et les femmes du Sergine devaient les grignoles. Pour le trèfle et la vigne des faucheuses, c'est ici. Les faucheuses, mettaient les trèfles et battent. C'est sur le sixième. C'est une faucheuse, ça se nommait. Enfin, les ticouquets à terre, et vous le restez à bouée. La cuisine de paix. Quoi parler ici? C'était déjà quoi. Et puis j'ai fallu lui à l'échelle. Ça, c'est sur le copal. Quand c'est que c'est sur, on a monté les trèfles, on faisait des petits javets. Et puis on mettait les trucs. On mettait les trucs, petites choses, et on lui va Al ties. Et puis quand c'est qu'on tire, on lui va. Si on se mettait à deux, mais non, pour ça. Quand c'est que tu peux faire les copal, on se mettait à deux. Il y en a vu une qui l'air levif, et il y en a vu une qui fait que des louis. Comme ça, on s'amusait, fnaille. Donc, il n'y a rien de jamais. Et on la sérive comme il faut, et puis elle sourit, et quand on laisse du sourire, on la lit fluide, à vous des. À vous des loyers. Des couettes et des brocs. Oh, et des couettes, ah, oh, justement, des couettes. Et des brocs des hifs, on a vu des affaires des fières là, de nez, c'était fière. Petite fière. Petite fière, qu'on mettait les nouques de vin, et on le passait. On faisait encore, on laissait vous le couette, et on le passait vers le stu. Mais j'avais votre temps là, hein, mais. Ça là. Ah, tout là. Parce que tu as l'envie de toi. J'avais le que de faire vos oreilles, que vous le couettez. Et après. Mais après, c'est-tu là-haut. Après ça, c'est-tu... On met siffler witch, et puis c'est-tu les oisins. Et non, ça, c'est-tu putain, ça, là. Et mais Juliette, on s'enlève déjà au witch et au oisin. Et on s'enlève déjà Et puis, on s'enlève... Mais on coupe... Les witch, on coupe dans la machine. Mais l'oisin, on coupe ça dans le four. Ça fait nous autres, les femmes, les hommes, souillent dans le four, et nous autres, nous les rescoudions. On fait des javets, et puis on les louif. Et après, il fallait faire... Et puis après alors, on faisait des dihets, et puis on tirif et on zermetif. Mais les oisins, ça, si tu veux te faire, mettez une nette en d'oisins. Deux, trois jours, c'est tout. Et puis on s'attaquait les fremins, alors, puis non. Les fremins, les avènes, et les ouïes d'hiver. Quand c'est Christine qui a vu des ouïes d'hiver, c'est ce que. C'est plutôt et son alors, puis. C'est une semaine pour chaque. Oh, mais non, ça dépend le temps, enfin. Ça dépend le temps, parce que. Devient des grosses essences comme ça. Il faut déjà des temps, et non, on coupe d'un terre de 10 rues. Des 16-17 hectares sont au jour. Parce qu'on a vu deux machines pourtant, on a eu deux. On a eu une bêtrude, pour lui, on conduit les joies à 2 heures. Oh oui, c'est ce que tu as dit. On a eu des tracteurs à ce temps-là, non? On a dit à vous trois vaches, qui vous voulez. Et puis, elle... On a coupé jusqu'à 2 heures, et puis on a dit à vous les autres. Et puis, elle a où? On battait comme à l'Algérie. On mettait les machines à la terre et on amenait les chars à la machine et puis on ramenait les trains à l'Sens. Et le grain, on mettait sur les chars et on mettait tout à fait ramené. Et à l'Sens. Mais alors, puis on desservit. Quand c'est qui se suppose pour ramasser tout dans la campagne, on arrive desservit. Devant les grilles, les femmes, ça, non? Ouais. On a vu une femme ou deux sont au char. On a vu des femmes qui m'aiment, qui tessinent. Oui, j'ai vu. Qui tessinent. Ah, ben, si tu mets les jobs, et maf, comme nous disons, nous autres. Donc, on perdit ce qu'on veut dire. Quoi, Tchirdi, c'est-tu les hommes? Ah, mais c'est-tu les hommes? Tchirdi, c'est-tu les hommes? Tchirdi à la campagne, c'est-tu les hommes, ça, oui. Et dans le grain, qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on rebâtit les rivières? Ah, ben, les grains, c'est-tu, on bâtit les rivières. Et on a vu des plantis en grain. On a vu un planti pour la ouen, on a vu un pour le fremin. Parce qu'il avait dit dans le fremin, comme Astur, qui n'a plus nous qui faisons 50 kilos de fremin Astur, par exemple. Solgren, det värsta fär. Vi ska fucka vår med det sig sker. Nå, vi ska ha kåp. Och när den är inne i säck och säkert kåpa jag styr. Så får jag fucka en minnes studry. På så att jag ser sker om fär. Kipera det. När det fick en akit. Ja, det fick en akit. Humiditet och så. Det är någon med att ställa. Les grains stuvraient mes sèches, on bâtif et on mettait des planches. Comment ça se fait, cela, qu'il y a un sec bouillé, qu'est-ce que tu sais, de ce moment-là? Ah, mais parce qu'il faut le couper. On coupe, on relève, on lève sur lui. Qu'est-ce que tu Oui. Oh, il Qu'est-ce que tu as jamais à nous mourir, là? Qu'est-ce qui pleuvive? Qu'est-ce qui pleuvive, alors? Fallait faire la tête qu'il est ressoué. Nous avons déjà su discongé de dire, refait les autres dire, et non, pour se faire sourire. Ou bien, quand c'est des années de plèves, et où vous avez dit, et bien, les baisses de hier, vous allez taper le dire à terre. On va les frayer ici, et mettre les coups de diable et haut, pour faire sourire. Oui, oui, oui, on s'est fait. Les messes, les saints, les saints, les saints, oui. Ah. Oui. Et alors, c'est-tu, qu'est-ce que tu dis quoi après cela? Eh bien, après les choses, on arrive à cette heure, on tire les anciennes pour le cours, et on arrive à cette heure, on arrive même cette heure de tête là où il y a tous les gens, devant les dix-hais, et on met un petit repas d'anciennes, un autre de dix-hais, pour cette heure qu'on dit, est-ce que c'était vous? Si c'était Wari de vous, qui m'a contravaillé de ce temps-là, non? Ah oui, et puis après ça, après les anciennes, c'est-tu les crampires? Et puis c'est-tu les pétrates? Et Charles les pétrates, on a pu s'y n'est-tu plus nos vrais, ça? Oui. Faut pas pour ça, moi, ben. C'est des travaux forcés. Elle a vu les champs, elle a vu les champs de nos fâches, c'est une cuisine, elle a vu Romel ferme là, à l'autre côté, et elle a vu le feuille des champs, mais que tu me dis, moi, là. Ben là, Romel ferme là, sur les vives, moi, j'en ai la ligne des pétrales, à vous deux, il va, elle marche une genre. Ah oui, mais pas que moi ici. Genre de riz, mais pas que moi ici, nous aurions toutes les fourrières à trouver. Au moins. On les raille, puis on les sémif, et puis on les tire d'if, et on encore les sim, et puis on s'attaque. Et on perdait des soyons de non-tirouille. Donc, c'est ce que vous dites en Syrien. C'est ce que bat à dos. Et nous faisons raille 4 rouilles tout l'été, pour faire place pour les voies. Et puis tourner qui va à une machine qui laisse les vivre. Mais alors, il fallait valer. C'est une énergie qui passe les escrocs dans le pied et elle se lève vivre. C'est ce que. Pour ça, il faut aller pour zéro, il faut défendre. On a vu trop, on a réussi à faire la machine à moins un peu. Et quand c'est qu'on a eu un secteur pour nous quatre là? Et on a eu 10 minutes, tout à l'instant. Qui battait de longueur, Charles, de terre pour Charles. Moi, mes rimes, c'est le vent pour Charles, c'est le déchargement. Pas très mature, plus. Et il tournait vers tout le. Et nous essayons notre œil. Nous essayons notre œil pour tourner vers tout cela. Et vous pouvez courir avec. Et vous pouvez courir avec, bah, et vous devinez en train de faire la vie. Il est juste mort, vous allez. Parce que c'est juste à marcher, ça. Les incitatifs. Ah, ben c'est tu, nous avions notre temps à l'hectare. Mais les grands, tu vois, comme tu as vu. Mais nous, nous sommes là. Aïe, aïe. Je ne saurais dire qu'on s'est attaqué, si tu mets. Le dernier épitrot qui j'ai roi, c'est tu 525 francs de l'hectare. On dirait que de l'hectare, de ce temps-là, c'est tu des bonis. Parce qu'on bonit, c'est tu 20 vite. Un hectare, c'est 93. Ça fait si tu débounis. Mais c'est une grande chose, enfin, non, ça. 525. Oh, le dernier, il me semble que c'est 525. Ben, devant le guerre, ça, non? Parce que Les sucres corroyés après la guerre, ça a augmenté, mais il n'y en a jamais plus roi alors. Le flambeau, merci à vous. C'est comme Métaplis, c'est que pareil. C'est ce que pareil, Métaplis. Je n'ai jamais roi, je n'ai jamais fait de pétrole à 3000 francs de lecteur. Parce qu'après, on n'a plus causé de bonus, c'est du lecteur. On causé de choses, on travaillait à lecteur. Métaplis, c'est quoi ça? Ah, oui, Métaplis, oh oui. On avait quand les potes, elles étaient implantées, c'est pas ça. On les mettait à distance. On ne met, oh oui. 200 mètres. C'était sur vers le... Hein? Nous serons mettre. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu vas jouer? De falloir venir 5. 5? Tu vas mettre? Oh oui. Eh bien. Mais oui, sûrement. Vous mettez vos pétrottes. Comme ça, oui. À deux gros temps, oui. Oh. Oui. Eh bien, faisons un petit peu 5 affaires ainsi. Voilà, on met. J'en ai déjà toujours dit, nous sommes, mais qu'il y en a une grande anecdote. Nous sommes, mais... J'ai une peste, là. Enfin, ça, Charles ne mettait plus, là, on ne mettait pas pour moi. Là, c'est ce qu'il y a, mais c'est peste, là. Elle est plus discomplie, alors. T'as raison. Mais on les mettait vers une, ça. On les mettait vers une. Pas de n'avait deux, trois, puis... On retire 20, et puis, pour les mettre en place, et puis, quand c'est qui s'est suto, il a vu des dos. On passe les fleurs au l'air, et puis les bintines, les vont passer les boules binettes, et non, bintines. Et puis après, quand le site déjà quelques mains ici, on allait faire passer pour eux léger pour ce qu'il a vu. C'est une tournée, ça comptait. Tournée à Pétrot. À Verschal, on fait une sinistre de costé pareil. C'est une restauration, mais pas d'avoir vu. C'est une restauration, mais. Non, il y a quelque chose dans le salon. Oui. Pense-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une scène, il me semble que c'est un salon comme... Oui, correct, oui, c'est correct. On l'a tous portant les lits quand ils causent ouais. Le salon. C'est un état de même, non? Bah. Ça tire un peu après, enfin. Est-ce qu'on a dit fondé? On dit va travailler, t'as des galions, va travailler. Mais les hommes versants n'ont de ce qu'elle dit aussi. Juste ouvrir. Mais dis-moi, si tu dis-moi, de ouvrir, mais. On m'a moins appris. Si. Mais là, c'est là qui pour qui courrier. Il fallait m'amener à sucrière ou le pétrole après? À repris, oui. À repris, oui, sur la chaleur. Ah ben, une repris, j'ai la chapon serrée. Et on me dit le pétrole. Un chapon, on a vu ça bien. Ah ben, c'est vraiment les seins ici, que nous allions faire matin pour mettre les chars et repris. Mais une a vu des ouvriers, alors pour qu'ils m'aient, non? Parce que nous autres là, il y a vu 6 chars. On cherche tous les chars, on joue après le dîner. Et puis là, demain, à 3h30, 4h à matin, il est là, posé sur les premiers. Parce que c'est les rappris de Charles, Volvieri, quand il est de Charles. Et on est prêt, l'été est resté quand il est à chaque côté. Il est tout arrivé. Là, il est déplacé pour 6h30, 7h. Les chars revenaient et ont rattaqué vers Chirgi alors. Et donc les signes déjà un peu limités, devant une mini-nette en qui volait, enfin, la vie de tant de chars amenés sans sa main. C'est tout ça, char à ce temps-là. Plus gros les ziftons, plus de pétrole, plus de l'éveté. Ça va comme les signes château pris. On faisait des chars de votre temps, il faut que de vin. Ça existe, oui, par nous autres, quand les signes vous. On ne s'en occupe plus. On a des bons dîmes qui ça. Non, parce que c'est juste à Martine, aux autres. Quand c'est que vous travaillez à la journée, qu'on les six heures en nerva, enfin. Mais nous autres, plus travailler, plus gagner, on mourir moins. On gagner déjà grand chose. Ah oui. On va vivre à 16. Hein? On va vivre à 16, l'année. On est déjà à ça. Non, non. On manie Alsace. Non. Non, jamais tu nourris Alsace. Jamais. Pourquoi c'est avant de faire mes amis. Ah, mais c'est le mené chervant, ça. Les chervants, les saints, c'est le femme qui travaille au Mohon, qui fait les ouvriers, des manettes, enfin. Mais nous estimons des journalières, nous autres, nous estimons. Ce n'est que saisonnière, parce qu'on y allie, on y fait tout. Il y a des saisonnières qui ne vont faire que là-haut, ou bien qui ne vont faire que les pays trop. Mais nous autres, nous faisons tout à fait. Pour attaquer l'année, on y allie fouiller le jardin. Fouiller, planter les crampires et jardin. Mais alors, il y a vu de ça qui. Un homme à l'ombre qui faisait le semis, et puis on y allait peu. Qui pour rouiller les crampires après, qu'on rouille, il va le trouver à l'ombre. Mais dans les rouilles, nous les ramassions. Donc il fallait manier avant. Mais nous allions perdre nos paquets. Et non, parce que quand on allait à la campagne, nous perdons nos paquets. Et quand c'est studié dans les pays trop, on a la puerté de nos morons, enfin. Parce qu'il devait laisser à sa stèle, il a vu ce qui se lumière, les varles. Mais le varles, il faisait 5 heures au matin. Les varles, le premier café. Il a vu le premier café, mais il a vu le déjeuner, et il a vu le dîner, ni le café après le dîner. Mais le premier café au matin, parce qu'il est allé fort, pour aller soigner les vols. Mais nous autres, nous n'allons pas s'y rire. Nous manions devant de nous aller, les ceux qui manient. Et puis, si nous étions en campagne, on nous a apporté le café à 8h30, nous revenions dîner, nous perdions notre temps pour à 3h, et puis on revenait au pays. Mais on n'a jamais. Mon Lionel Reiner, nous avons trois vols, et la ville de Nourriture, à matin, à dîner, à l'heure. Elle a eu le café à 4h. Ah, mais il y a des cyclones. Ça, c'est très valé. Il y a des cyclones de haut aussi, Jules. Il y a des cyclones de haut aussi, mais je n'ai jamais vu Charles Fernand qui dit neuf. Ah oui. Il se bat frère, là. Il dit neuf. Il est magnifique. Elle vit sur des voies, comme nous voir les gens. Les vies Jacques. Mais au moins, c'est une nette pour ses ailes. Au moins, c'est une nette pour ses ailes. C'est un village qui est. C'est un estrie. C'est un prestige pour la Europe. Si la rue fait le qui nourrit, il y a tout le personnel qui la vient. Aïe, aïe, aïe, vous. Parce qu'il y a eu bras à Mastin, parce qu'on a eu des frères. Et non, on n'a pas eu des frères. Parce qu'il y a deux autres, on a eu travaillé. Parce qu'il y a eu des vins de terre, nous-mêmes, elles deviennent nos morons. Et non, nos morons, ils n'ont vu une vache, ou pas, on a vu une. Et on a vu des poussées, et on a vu un peu de terre, et c'est ce qui nous faisait nos terres. Ça fait, nous gagnons nos journées, mais. C'est ton complément. C'est ce que. Voilà, Missour, elle l'a livré, monte les Alsens. Et nous, elle va, elle l'a livré pris, pour ce qu'elle l'a livré, monte. Et on nous réhiffe, les vaches, elle l'a livré, on nous réhiffe, déjà pas enfin. Quand les studions nous, c'est de la farine pour nous autres, et non, et... Mais nous avions vu si c'était avant d'être là, enfin. Elle allait moi tout le matin, à la nuit. Et puis, mais j'allais vers la journée. Est-ce qu'on vivait des silos à ce moment-là? Oui. Ah ouais. Oui, des silos de pile, oui. Ah oui, non. Oui, parce que quand c'est que nous royons, quand nous royons à Petra, voilà, elle hostait. On faisait un bout de pétrole pour en avoir un mail, des cimes. Des feuilles. Des feuilles. Et puis, et marchi, quand nous royons à l'ompui, nous avions un baignon de pétrole à bout de corroïves. Ça fait si nous royons chaque très bout de pétrole, nous avions très gros baignon de cimes. Et c'est ce que pareil. Si tu es un baignon, enfin, n'est pas tant qu'on volait, parce que c'est pour qu'on volait dessus. ça fait on faisait on saïf.